comment je déraille. Comment je perds mon sang, froid en un instant. Dis-moi autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï. Et moi qui cède souvent à l'appel du vent. Willem, je tourne en rond sur France Bleu. Dans deux minutes, c'est le retour de vos informations au plus proche de chez vous. Ici ICI, la nouvelle application de France Bleu et France 3 pour retrouver toute l'actualité près de chez vous. Téléchargez l'application ICI sur votre smartphone. De 6h à 9h, votre journée dans les Savoies commence avec France Bleu. L'effet de serre, mais c'est quoi au juste? Eh bien, réponse demain matin à 7h-20. Votre rendez-vous météo de cet été avec Chloé Nabédian. Et puis c'est bien connu, en Pays de Savoie, on est heureux toute l'année. Alors même l'été, Christophe Garnier vient à votre rencontre à 8h-20 pour connaître votre petit bonheur. Donc voilà, je crois que vous savez ce que vous faites demain matin dès 6h. Le 6-9 France Bleu Pays de Savoie, demain matin dès 6h. France Bleu. Le 15 août, à Saint-Martin-de-Belleville, c'est l'alliance de la tradition et d'une fête de village animée. Repas champêtre, marché artisanal et des animations au cœur du village. Ne manquez pas les déambulations folkloriques et la soirée avec le concert rock de Talisker, suivi du feu d'artifice. Plus d'informations sur saintmartindebelleville.com. Hey, tu fais quoi cet été? Je vois Annecy en grand, à petit prix. Ah, toi, tu as téléchargé le pass Lac et Montagne de l'Office de Tourisme. Oui, et pour seulement 9,90€, j'ai des réductions sur les 50 activités du pass. Croisière, visite de château, vol en parapente, jusqu'au 31 décembre. Toi aussi, télécharge ton pass Lac et Montagne sur lac-annecy.com. Courchevel présente son grand spectacle Symphonie Lumière, mercredi 9 août à 21h30 dans le site des Tremplins Olympiques du Prat, avec les Virtuoses de Kiev, 20 musiciens sous la direction de Dimitri Yablonski. Au programme Mozart, Mendelssohn et Gardel. Réservation obligatoire sur Internet, billets web, Courchevel, Symphonie Lumière. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Pays de Savoie. France Bleu Pays de Savoie, excellent début de soirée. Il est 18h. Un tour complet de l'actualité, Corentin Vahut. C'est un drame épouvantable. Réaction de la Première Ministre, Elisabeth Borne, présente cet après-midi à Winsenheim en Alsace, après le décès de 11 personnes ce matin dans l'incendie d'un gîte. Des personnes en situation de handicap ont séjour avec une association de Nancy sur le réseau social X, anciennement Twitter. Emmanuel Macron a adressé ses pensées aux victimes et à leurs proches. La chaleur a fait son retour aujourd'hui dans nos pays de Savoie, jusqu'à 30 degrés relevés en Savoie et en Haute-Savoie. Avec ces températures souvent synonymes de hausse des fréquentations au bord de nos lacs, le fléau des noyades est un enjeu de taille. Déjà 5 noyades cet été sur les lacs d'Annecy et du Léman. Pour limiter les risques, les brigades nautiques de la gendarmerie multiplient les patrouilles. L'occasion de rappeler certaines règles pas toujours respectées. Par exemple, sur le lac d'Annecy, le port du gilet de sauvetage est obligatoire pour les paddles et les canoës. C'est une question de sécurité, explique la chef d'escadron Charlotte Limonier. Il y a des risques particuliers effectivement sur le lac, la flottaison est différente, il y a des grosses différences de température, notamment si on plonge, donc vous allez sauter d'une embarcation, que ce soit un bateau, un paddle ou même un pédalo, et en fait vous allez très vite avoir une température très froide et évidemment les risques qui vont avec d'hydrocution, de noyade. Ouais. Donc ça c'est quelque chose aussi à rappeler, qu'on souligne et auquel les gens pensent pas forcément, et ça arrive malheureusement très très vite. Ouais. On doit porter, c'est comme la ceinture de sécurité sur la route, le casque à vélo, bah, voilà, c'est pareil, le gilet, ça doit un réflexe aussi sur le lac. Donc on est là pour le rappeler et puis surtout pour essayer aussi d'expliquer, au-delà de rappeler la règle, mais d'expliquer pourquoi c'est important de porter ce gilet. Ouais. Et sur le lac d'Annecy, oublier son gilet de sauvetage est passible d'une amende de 68 euros. Un terrible accident de bûcheronnage à Saint-Jean-de-la-Porte ce midi. Un homme de 66 ans était en train de couper des arbres lorsque l'un d'eux lui est tombé dessus, chute directement sur son torse. Les pompiers et le peloton de gendarmerie de Courchevel sont intervenus sur place, mais le médecin n'a pu que constater le décès de cet homme. Cet après-midi, dans un immeuble ancien du centre de Chambéry, une partie d'un mur s'est effondrée à cause d'une fuite d'eau. Les pompiers sont intervenus sur place et ont directement évacué les quatre occupants et les deux personnes dans le commerce au rez-de-chaussée. Un arrêté de péril a été pris par la mairie pour interdire l'accès aux escaliers et à cette boutique. Deux Haut-Savoyardes médaillés au championnat du monde de cyclisme de Glasgow, Loana Lecomte et Lynn Burquier, ont décroché l'argent avec l'équipe de France de relais mix de VTT cross-country. Et si vous passiez vos vendredis ou samedis soirs au Parc des Sports d'Annecy pour supporter les Reds, la campagne d'abonnement du FCA pour la saison 2023-2024 de Ligue 2 a officiellement démarré aujourd'hui. Premier prix à 182 euros. Et puis c'est déjà la reprise des compétitions européennes de football. L'Olympique de Marseille a deux tours de barrage à jouer pour se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions. Ça commence ce soir face aux Grecs du Panathinaikos. France Bleu. Et un point sur vos conditions de circulation en région Rhône-Alpes avec pas mal de monde le long du lac d'Annecy entre Sevrier et Annecy. Ça coince aussi du côté de Sillé, de Évian. Pas mal de monde aussi en station. Chamonix, Sallanches, Megève, le Grand Bornand. Attendez-vous à quelques coups de frein. Et en direction de Thônes, entre Alex et Thônes, là aussi. Un quart d'heure en plus sur votre temps de parcours habituel. Le long du lac du Bourget, il peut y avoir aussi quelques ralentissements. L'agglomération grenobloise, tout est au vert pour nous. Et puis du côté de la vallée du Rhône aussi, ça circule bien, à part un petit bouchon dans le centre de Tournon et de Tain-l'Hermitage. Si vous êtes témoin d'un incident, vous nous appelez au 0806 00 10 10. Côté météo, c'est un large soleil, quelques nuages en montagne qui sont simplement là pour le décor, et puis les températures bien chaudes. 28 à 29 pour Annecy, Moutier, La Tour du Pin, Saint-Marcelin, 30 degrés pour Chambéry, Grenoble, Montélimar, 31 à 32 pour Valence, Nyon, Sannonay, Privas et Rochemort. Demain, encore pas mal de soleil et des températures plus chaudes qu'aujourd'hui, avec une averse qui ne sera pas exclu en fin de journée. Le 16-19, France Bleu, Arthur de Plante. Allez, ce soir, on fait pas les timides et on s'envoie en l'air. On est en plein été, il fait chaud, alors forcément, bah on va faire du parapente. Bah quoi ? Qui a dit ouf ? Pourquoi vous avez dit ouf ? Bah si, on est avec un pro du parapente, on a le terrain idéal en Rhône-Alpes, alors on va s'envoyer en l'air. Les rouages et les coulisses de la discipline vous sont expliqués. Les rouages et les coulisses, expliquez dans un instant, juste après Tasmin Archer, Sleeping Satellite sur France Bleu, dans toute la région Rhône-Alpes. Très bel été. Of the